Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le gouvernement burundais voudrait financer à 100% les prochaines échéances électorales de 2020 avec des recettes internes. La nouvelle a été annoncée ce lundi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver-Ndayichariye, que vous entendrez dans quelques instants. La famille d'un certain Armel Ruberinyang de la colline Vzouya en commune Mugamba de la province Bururi est sans nouvelles de lui depuis une semaine. Elle demande à la police qu'il a arrêté de l'informer sur son lieu de détention mais aussi sur le mobile de son arrestation. Le ministère de l'Éducation nationale compte ouvrir la formation de deuxième cycle master à l'enseignement supérieur. L'annonce a été faite ce lundi. Le reportage de ce lundi nous conduira sur la colline Guitara de la commune Mabanda en province de Makamba au sud, où un centre de transit pour les rapatriés est en train d'être réhabilité. Et au sport, la formation Atlético-Olympique est classée provisoirement première du championnat Primus League, tandis que le Gabon, pays organisateur de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas pu franchir les matchs de poule. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. S'engager en démocratie, c'est respecter le verdict des urnes, respecter la loi et comprendre que l'autre, différent politiquement, n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Cela a été dit par le président de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi dans un atelier organisé par la CENI à l'intention des membres des partis politiques, des responsables religieux et de la société civile. Pierre Claver-Ndayichariye fait savoir que l'an 2020, le gouvernement voudrait financer à 100% les élections avec les ressources internes. Suivez Pierre Claver-Ndayichariye, c'est le président de la CENI. Les élections, c'est un chantier d'abord de cohésion nationale, un chantier de rassemblement, où ceux qui sont en compétition comprennent d'abord que ce sont les électeurs qui décident et que la CENI, la CEPI ou la CECI ne font que compter les voix, ne font que dépouiller. Nous voulons revisiter 2015. Tous les défis, tous les enjeux que nous avons connus, les pièges tendus par les uns et les autres. Et nous voudrions que ceux qui aiment véritablement la démocratie comprennent que s'engager en démocratie, c'est respecter le verdict des urnes, c'est respecter la loi, c'est comprendre que l'autre, différent politiquement, n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Comment aider les politiciens, en particulier les Burundais en général, pour qu'ils comprennent qu'il faut une communication politique de rassemblement, de cohésion. Ça veut dire bannir tout ce qui a rapport avec la communication violente. Pendant les élections, on y entre à plusieurs, mais les sièges sont peu nombreux et le peuple décide. Il faut respecter ce que le peuple souverain a décidé. S'il vous plaît, quand il y a un contentieux électoral, on ne s'adresse pas à la rue, on ne prend pas la grenade ou la Kalachnikov, on s'adresse à la justice. Au niveau du financement, la CENI a déjà lancé un message important. 2020, nous voudrions que le gouvernement du Burundi finance avec les ressources internes à 100% les élections. Puisque 2015 nous a laissé un message, il y a des partenaires qui vous annoncent des financements et qui, en cours de route, piègent les élections. Parce que, justement, nous n'avons pas encore compris que les élections sont un chantier de souveraineté nationale. Plus de 300 détenus ont été libérés de la prison centrale de Mimba ce lundi. Au moins 500 au total vont désengorger la prison centrale de par la grâce présidentielle du 3 janvier dernier. Et au niveau national, la même grâce présidentielle concerne 2500 prisonniers. Et parmi eux, les membres du parti MFD qui avaient été arrêtés le 8 mars 2014. Et dont le nombre s'élève à 58. Suivez à ce sujet Aimé Laurentine Kanyana, c'est la ministre burundaise de la Justice. Si on parle de crimes imprescriptibles, vous comprenez qu'il s'agit des crimes pour lesquels aucun pardon ne peut être accordé. Mais le président de la République, il a le droit de prendre une mesure pour cette catégorie de personnes. Il a cette prérogative. Je crois que en fonction de l'évolution de la situation, du comportement démontré par les concernés, rien rien n'empêche qu'ils puissent prendre une telle mesure au profit de cette catégorie de personnes. Vous vous souvenez que c'était le 8 mars 2014 quand il y avait une bande de personnes qui s'étaient organisées pour prendre le pouvoir sous la direction d'un certain Sindourije. Vous vous souvenez qu'ils ont été appréhendés, qu'ils ont été jugés. Par ailleurs, leurs crimes étaient imprescriptibles parce qu'ils avaient commis une atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Mais comme la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée, le président de la République a jugé utile de promouvoir la réconciliation nationale et a étendu la mesure de grâce présidentielle à cette catégorie de personnes. Il y a aussi dans cette catégorie d'autres jeunes qui ont été attrapés en train de commettre des actes de violence lors du mouvement insurrectionnel qui a commencé le 26 avril 2015. Certains Burundais vivant à l'étranger et réunis au sein des partis politiques ou au sein de différentes organisations se sont réunis à Bruxelles, en Belgique, depuis vendredi jusqu'à dimanche pour débattre des défis auxquels font face les Burundais. Tous ont constaté que l'accord d'Arusha avait permis aux Burundais de vivre dans la paix, comme l'indique l'un des participants à cette réunion. Pierre Claver Mbonima indique qu'ils ont tous convergé pour demander à ce que cet accord soit respecté. Suivez-les. Je crois que beaucoup de gens, mal compris la composition de la participation au niveau de la réunion d'hier à Bruxelles, nous étions des Burundais. Mais les gens ont commencé à chercher les provenances. Oui, il y avait des partis politiques, il y avait ceux de la société civile, il y avait ceux de la diaspora. Mais nous tous, nous étions des Burundais, nous étions réunis juste pour analyser les problèmes qui minent le pays. Et vous voyez qu'il y a des gens qui meurent à cause de manque de médicaments, ils n'ont pas de moyens pour acheter les médicaments. Il y a des gens qui souffrent de manière différente. Vous savez combien de gens qui se trouvent en exil. Et tout ça, ce sont des problèmes qui minent le pays. Vous savez que les accords d'Arusha avaient trouvé la solution à ces problèmes, surtout de sécurité. Vous savez que dans les années passées, les Hutus et Tutsis se disputaient à cause des accords de sécurité. Alors, maintenant, les accords d'Arusha avaient trouvé solution à ces problèmes. Nous voulons que les accords d'Arusha soient respectés. Sinon, on reviendra toujours dans les mêmes problèmes de guerre et de disputes. C'est ça alors pourquoi nous étions réunis ensemble en tant que Burundais. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique compte ouvrir la formation de deuxième cycle, master à l'enseignement supérieur. L'annonce est de la ministre burundaise de l'Éducation nationale. Lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours de l'année passée, Jean-Vierre Nirahisha a souligné que les effectifs élevés dans les premières années post-fondamentales et le manque de moyens financiers sont quelques-uns des défis rencontrés. Au cours de l'année 2016, plus de 300 000 manuels pour élèves et enseignants ont été distribués selon la ministre Jean-Vierre Ndirahisha, que je vous prie de suivre. L'acquisition et la distribution de 320 000 manuels d'élèves et de professeurs pour les classes de 8e année ainsi que plus de 850 000 manuels de 9e année de l'école fondamentale sur financement du Fonds commun de l'éducation pour un montant de 2,7 milliards de francs bourg. L'acquisition et la distribution de 6 500 bancs pupitres dans les écoles fondamentales en plus des cahiers en provenance de l'Ouganda et ceux offerts par l'UNICEF dans le cadre du programme Back to School et qui ont été distribués dans toutes les écoles fondamentales du pays. Nous avons aussi procédé à la formation de tous les enseignants des premières années du poste fondamental sur les nouveaux programmes et les outils pédagogiques qui les accompagnent. Plus de 3 092 enseignants ont été formés dans différents thèmes transversaux pour le cycle fondamental et post-fondamental. Notons aussi qu'un effectif de 1020 élèves des écoles pilotes ont été évalués au titre du projet École et langue nationale. Parmi les grandes contraintes que nous avons rencontrées l'année 2016, outre l'insuffisance des moyens financiers, nous pouvons citer les effectifs pléthoriques dans les classes, surtout dans la première année post-fondamentale, le taux encore élevé d'enseignants de faible qualification dans le système et la faiblesse du réseau de l'enseignement technique très prisé par les élèves. Concernant les perspectives pour 2017, le ministère envisage de poursuivre la mise en œuvre des recommandations l'organisation des états généraux de l'éducation, par l'élaboration des textes d'application, notamment sur la réorganisation du système de gestion des bourses d'études et de stages, la réforme de l'université de Burundi, la création du fonds de solidarité et d'appui à l'éducation. Nous comptons aussi ouvrir la formation de deuxième cycle master à l'enseignement supérieur. Nous devons aussi recruter de nouveaux enseignants avec plus de transparence et leur utilisation rationnelle. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des affrontements ont surgi hier dimanche entre les cultivateurs et les bergers de Gihanga, la cinquième transversale. À l'origine, les champs de maïs, de manioc et de soja ont été ravagés par plus de 200 vaches et les cultivateurs n'ayant pas supporté le coup, les ont repoussés. C'est ainsi que les bergers les ont attaqués à coups de bâton. Il a fallu l'intervention de la police pour que l'ordre soit rétabli. Spes Caritas Cavagnan. Ces vaches que vous entendez, plus de 200 ont passé toute la journée de ce dimanche gardées sur le terrain du centre jeune de Gihanga par les cultivateurs dont les champs ont été ravagés par des troupeaux de vaches. Les bergers qui gardaient ces vaches les ont conduites expressément dans les champs de maïs, de manioc et de soja à la cinquième transversale à Gihanga. Les propriétaires de ces champs qui s'y sont opposés ont été sérieusement tabassés par ces bergers. Il a fallu l'intervention des policiers qui ont tiré en l'air pour dénouer la situation, des tirs qui ont causé une peur panique aux habitants de Gihanga. Ces cultivateurs se lamentaient contre les bergers qui conduisent les vaches dans leurs champs et souvent, si le cultivateur s'y oppose, il est battu, comme ça a été le cas ce dimanche. Les éleveurs qui étaient sur place n'ont pas voulu s'exprimer au micro, mais nous ont révélé qu'ils n'étaient pas d'accord avec le montant réclamé par les cultivateurs pour payer ce qui a été endommagé, une somme de plus de 4 millions de francs burundais. Les bergers qui avaient causé tous ces dégâts n'étaient pas sur place. Les deux parties ont fini par désigner les représentants tard dans la soirée de ce dimanche, des représentants qui devaient se rendre chez l'administrateur comme médiateur afin de trouver la solution de ce problème, et ces vaches ont été finalement relâchées vers 19h de ce dimanche. Je vous le disais en titre, la famille d'un certain Ruvelinyang et Armel de Vzouya en commune et Mugamba de la province Bururi est sans nouvelles de ce jeune homme arrêté par la police de Mugamba il y a une semaine. Cette famille demande d'être informée sur le lieu de détention et le motif de son arrestation afin de l'assister. Le chargé des renseignements dans les communes Mugamba et Matana, qui détiendrait toutes les informations sur ce jeune homme, n'est pas clair à ce sujet. Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de la famille de Ruvelinyang et Armel indiquent que ce jeune élève a été arrêté le matin du lundi de la semaine passée au lycée communal Nyakabingo de la commune Bisoro, où il était régulièrement inscrit. Deux policiers de Mugamba à bord d'une moto qui l'ont arrêté l'ont ensuite conduit au cachot de la police de Mugamba, cette fois-là à bord d'un véhicule à partir de Tchogo. Le lendemain, alors que certains de sa famille lui rendaient visite pour s'enquérir de sa situation, ils ne l'ont pas trouvé au cachot de Mugamba et pas même au cachot du chef-lieu de la province de Bururi, où il pensait qu'il avait été transféré. Cette famille demande aux forces de l'ordre opérant dans Mugamba de lui indiquer la destination de cet élève afin de lui fournir une assistance matérielle et juridique. Certains habitants affirment que Jean Kundabagenzi, chargé des renseignements dans les communes de Mugamba et Matana, a effectué son transfert probablement vers le service national des renseignements à Bujumbura, et donc c'est lui qui détiendrait toute la vérité. Interrogé à propos, Jean Kundabagenzi dit que c'est un transfert opéré officiellement et la famille concernée n'a qu'à s'adresser à l'OPJ qui l'a fait arrêter en ce qui est du lieu et de la personne ayant opéré ce transfert. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Au sport, la formation Atlético Olympique est classée provisoirement première du championnat national de football, baptisé Primus League. Cela étant, Flambeau de l'Est de Ruyigui est dernier du championnat en cours. Et dans la Coupe des Nations de football qui se déroule au Gabon, L'équipe de ce pays organisateur n'a pas pu franchir les matchs de poule. L'actualité sportive avec Evariste Nzikobanyanga. Samedi 21 janvier, au stade des Princes du Kwakasore, quatre équipes étaient en lice. À 14h, la formation de l'idéalité que Burundi Sport for Africa a battu Bujumbura City 2-1. Et à 16h, c'est Messager Ngozi qui a largement dominé les Lières. Et match terminé sur le score de 4-1 en faveur de Messager Ngozi. À l'intérieur du pays, 5 matchs étaient au programme. Au stade de Pispak Stadium de Makamba, Aigle Noir a battu Interstar sur forfait. Les joueurs de cette dernière ayant porté des maillots semblables à ceux de l'équipe visitée. À Ruigi, Flambeau de l'Est a fait match nul de 0-0 avec l'équipe militaire Muzinga. À Rumonge, sur le stade de Vidzigiro, Magarastar a été battu à domicile 2-0 par Vitalo. En Ngozi, au stade de Agasaka, Atletico Olympique de Bujumbura est allé arracher un match nul. Le score vierge de 0-0 contre Ngozi City. Musongati de Gitega a perdu à domicile contre Messager de Bujumbura. Les jeunes de Kazadi Milambwe ont battu Musongati 1-0. Dimanche au stade de Buganda, c'est Rusizi FC de Chibitoke qui a battu Olympic Star de Muyinga 1-0. À la 18e journée du championnat, Atletico Olympique est en première position avec 42 points et 28 buts en poche. Vitalo est deuxième avec 37 points et 21 buts. L'idéalidique Burundi Sport for Africa est troisième avec 36 points et 9 buts. Aigle Noir est quatrième avec 35 points et 14 buts. Messager Ngozi vient en cinquième position avec 32 points et 8 buts en poche. Flambeau de l'Est est en 16e position et dernière du championnat avec 11 points et une dette de 12 buts. Et dans la 31e édition de la CAN qui se déroule au Gabon, deux équipes nationales de la poule A, à savoir le Cameroun et le Burkina Faso, se sont qualifiées ce dimanche pour les quarts de finale. La Guinée-Bissau et le Gabon, pays organisateur, ayant quitté la compétition. Ce lundi, c'est le tour des équipes du groupe B. Le Sénégal, qui a déjà 6 points, va croiser le fer avec l'Algérie qui a 1 point, tandis que le Zimbabwe qui a 1 point va jouer contre Tunisie qui a 3 points. À la source, reportage. Le reportage d'aujourd'hui nous conduit sur la colline Guitara de la zone Moussegna, en commune Mabanda de la province de Makamba au sud du pays, où un centre de transit pour les rapatriés en provenance de la Tanzanie est en train d'être réhabilité. Frédéric Hawonayo, le chef de chantier, explique que ces travaux de grosses œuvres seront clôturés avec fin janvier. Quant au gouverneur de Makamba, ces travaux ne peuvent pas empêcher ceux qui veulent se rapatrier. Placide Niomungere a été à Mabanda. Son reportage. C'est le roulement des machines à souder sur la colline Guitara de la zone Moussegna, commune Mabanda, où les travaux de réhabilitation du centre de transit pour les rapatriés sont en cours. Au total, plus de 8 blocs sont déjà sur place et certains sont en dur avec une toiture métallique et les autres étant temporaires avec une toiture en chitting. Selon Hawonayo Frédéric, chef de chantier, à quelques jours des premiers rapatriés, ces blocs seront couverts de chitting. Nous avons commencé à zéro parce que nous avons trouvé rien. C'est pourquoi nous avons construit tous ces bâtiments que vous voyez ici, soit les bâtiments en dur ou les bâtiments temporaires. Ça restera alors les petits travaux de mettre les shittings quand les rapatriés seront prêts à venir dans 2-3 jours avant leur arrivée. Ce chef de chantier précise que d'autres infrastructures seront bâties pour rendre ce centre de transit viable. Nous avons prévu des latrines communautaires et des douches communautaires qui vont servir temporairement pour ces rapatriés. Pour le moment, nous sommes en train de préparer une addiction d'eau pour approvisionner en eau potable. Ce camp, pour la population haute, on a prévu aussi des robinets. Ces travaux ne sont pas bénéfiques aux rapatriés seulement. Ils sont profitables également aux chômeurs de la localité, comme l'explique cette humaniste ouvrière. En tant que chômeur et d'autres habitants de cette zone, ça a été un profit. On peut avoir de l'argent pour garantir les soins de santé ou pour se procurer du savon. Et la vie continue comme ça. D'après le chef de ce chantier, les travaux de réhabilitation, malgré le nettoyage, seront seront clôturés à la fin du mois de janvier. Ici, les travaux ont débuté avec le mois de décembre. Et maintenant, nous préconisons terminer les travaux de gros œuvres avec la fin de ce mois de janvier. Que ce soit du côté des maîtres d'ouvrage et de la province de Makamba, ces travaux ne peuvent pas constituer une barrière à ceux qui veulent regagner le pays, explique Gadi Niyukuli, le gouverneur. Nous disons que celui qui veut se rapatrier, qu'il le fasse. Parce qu'il retrouve en sécurité, c'est bien. Et ceux qui ont encore des difficultés et qui prévoient être déplacés par le ACR, le gouvernement envisage de le faire car les travaux de réhabilitation du centre vont bientôt toucher à leur fin. Ces travaux de réhabilitation de ce centre de transit de Mousseni sont exécutés par COPED sous le mandat du Haut Commissariat pour les réfugiés et après l'opération de rapatriement, les blocs en dur seront transformés en salles de classe à temps à prix 6 places. Placide Niyomungere. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.